Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Septième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أسألكما في الكلمات. أقفل يقفل عندك نعم متجه الجمارك أمكن يمكن بعض Certains. Al-Husoul. Al-Husoul, je ne vais pas noter ce mot. C'est le mazor de Hassava Yarsoulou. Et là obtenir, non Non. Obtenir. Ça, c'est le verbe. Le verbe, c'est le. Là, c'est le mazor. L'obtention. L'obtention, là. Bon, Fusoul, on l'a pas trouvé dans le texte. Ah, c'est Fusoul. Fusoul, ouais. Dans le texte, on l'a lu, on l'a pas vu. Enfin, Inch'Allah. À la base, on avait dit, c'était le diable de Fasl. En général, Fasl, c'est une séparation. Ça peut être une saison, ça peut être une classe. Ça peut être différentes choses. Allez, Andek. Kef, Tukawin, Ism Fa'il, Linfiel. Raïl Soulasi, comment tu fais un isme fa'il d'un verbe autre qu'un Soulasi? Roba'i, un Khumasi ou un Soulasi? On retire le ya, nous on est un mime. C'est pas forcément l'ya, c'est la lettre du Moudaria, des fois ça peut être un Hamza, ou un Noun, ou un Tan, allez, on du Moudaria, et on met un mime avec une Dhamma, et à la fin on intervient. Misle. مثلا أرسل ما هو اسم فاعل أرسل أرسل مرسلون مرسي مرسلون مرسلون مرسلون مرسلون طيب يسأل استخرج ساتكو صنع اسم فاعل مستخرج نعم مستخرج إذا قلت لك يمكنك أن تجلس كما تفهم هذه الفراز يمكنك أن تجلس لما نفهم C'est ce qu'on a fait ensemble. Il y a donné deux formes de phrases différentes. La première avec le verbe conjugué et l'autre forme d'une autre façon. Yomukinuka et Tajisa, ça veut dire quoi? Comment tu peux le faire? Changer. On a dit qu'en un yant dans un verbe, il en résulte quelque chose. Il y a une interprétation. Quelle est-elle? Là, si je te dis Yomukinuka et Tajisa, j'ai eu la même phrase, mais d'une autre version. Comment tu pourrais dire? Yumkinuka. Fala, allez. Yumkinu kel julus. Le fait dans lequel un y rentre, on n'interprète pas son masdar. C'est ce qu'on avait pris là, troisième. Yumkinu kel tachouja, yumkinu kel chouj, yumkinu kel tachoula, yumkinu kel tachoul. On a dit quoi le 4 Adam Salif طيب المسافر يريد الخروج المسافر يريد ان يخرج on défait la première ensemble je crois on dit des gens طيب الثانيه المسافر يريد حجز المكان عندك المسافر يريد ان احجز المكان ان يحجز المكان نعم voyageur le passager ou le voyageur veut regagner la place فارفا عندك المسافر يريد ان يحجز المكان لا ولا قيس على الاصل نقول الثالثة المسافر يريد ان يحصل على يحصل نعم الضمة كسر الحاء الحاء كسر جوليا المسافر يريد أكيد سبحان المسافر يريد أن يحصل على التأشيرة. نعم. الوياجور يريد أن يحصل على الفيزا. رابعاً. المسافر يريد إكمال الإجراءات. المسافر يريد أن يكمل الإجراءات. نعم. Le voyageur veut compléter une formalité. Khamisan. Awalan ikram jumlal oula. Lis l'exemple, je vais ensuite mettre la transformation. Al musafiru yuridu ta'kidal ta'kidal hajj. Al musafiru yuridu an yuakidal hajj. Alors, le passager à la base, c'est quoi? Vous voulez confirmer la réservation? Et ensuite, le voyageur, le passager, veut la confirmation de réservation. Et après, c'est veut réserver, veut confirmer sa réservation. Ou la réservation, plutôt. Non. C'est Alice? Ailleurs, en Excel? C'est quoi, c'est un masdar, c'est quoi ça? Non, masdar. Le akkada. On l'a écrit au début. Al-musafiru yuridu mughadarat al-madina. Al-musafiru yuridu an yughadira al-madina. Le voyageur veut quitter al-madina. Sabian. المسافر يريد الوصول إلى قبرص. قبرص. قبرص. المسافر يريد أن يحصل. أن يصل. وصل يصل. هو ويبع. يريد أن يصل. ما هو قبرص؟ C'est une ville jusqu'à أن يصل المسافر يريد أن يصل إلى قبرص. نعم. Tous ces verbes-là, tout ce qui nous mène là, c'est des choses qui sont déjà passées. C'est-à-dire, des fois, quand on a posé un problème, revenir en arrière et regarder dans les tableaux, le vocabulaire. Vous voyez, par exemple, il y a Wassala, il est, on l'a dépassé, il a dit Wassala, Yassilo. Il vous donnera un nouveau. Il ne veut pas vous faire de problème, vous mettre un truc que vous ne connaissez pas. Il veut vous faire employer ce que vous avez déjà pris auparavant. Vous voyez, bois ça là, attends. Dans quel vers il est, je vais te retrouver. Quand on l'a pris. J'arrive. J'essaie de retourner, tu vois. Je sais comme les mots, il y a plein de mots que je vois. Wadara, Yadara, c'est pareil. Le Wa, il tombe. Il y a plein de mots, je ne retrouve pas. conseilles de retourner en arrière? Ben, toi, quand tu as fait le derche d'aujourd'hui, tu remets au propre tous les mots que tu as pris, le nouveau vocabulaire. Comme ça, au moins, tu as ton répertoire à toi, et quand tu le recherches, tu le retrouves. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as qu'à recopier tous les mots qui sont dans le kitab pour toi. Ça te fait une raja, et en plus, ça fortifie ta mémorisation. C'est quoi? Alors, généralement, par deux, ça prend combien? 10 mots. Enfin, le soir, tu les recopies. Pour Dofter, on a pris aujourd'hui ça. Et le jour où tu as un problème, tu retournes à ton Dofter, là où tu l'as écrit, et tu la trouves directement. Inch'Allah. Crois-moi que tu vas, ça c'est ta fille. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. On va pas perdre tout le temps à chercher le réel. Dans le Mouadjem, là. Oui, non, moi je lui descends lui-même, tu vois, pour voir ce qu'il était. Ah, Inch'Allah, en tout cas, c'est ça, Yassilou. Thaminan. Al-Musafiru, yuridu l'aouda. Al-Musafiru, yuridu an ya'oud. Non, le voyageur veut le retour. Arabian. On va les faire ensemble. Là, on les fait la première ensemble. Pas le reste. Juste le premier que Khurtoum n'ait pas fait le reste. Min Aina, Anta Qadim, une autre parenthèse de Qahira, tu dis Anna Qadimun, Nil Qahira. Donc la deuxième phrase. Min Aina, Anta Qadim, entre parenthèses, mais Baalis. Anna Qadimun, Min. Une al-Baris. Une chèque, une Baris. Comme il est écrit là, entre parenthèses. Non. Le Qahira, c'est spécial, quoi. C'est comme le Medina. Certains, ils ont du folleur, certains, ils n'ont pas. Ça, Alisson ? Min Aina, Ya Qadima. Ya Qadimatun, Min Karachi. Karachi, je ne sais pas quoi c'est l'équivalent. Karachi. Je ne sais pas quelle ville c'est. Tayyip. Ana qadimatun min al-jidda. Non. Jidda. Et oui, c'est aujourd'hui à Jidda, ma'rouf. Khamisan. Min aina ana qadima. Ana qadimatun min al-qahira. Non. C'est le même que celle de l'exemple. Parce que là, c'est un féminin aujourd'hui. Khamisan. Ajibun asilatil atiya kama fi namouzaj. Ila aina anta muttajihun. Il y a une autre. Et là, tu mets le mot entre parenthèses. Là, c'était Beyrout. Ana muttajihun ila Beyrout. Ila aina. On avait pris la première aussi. On rappelle. Ila aina wa musafirun. عندك هو متجه الى لا مسافر الدوزيام فراج منصوب ها هنا نعم ايوه مسافر متجه شو بقى من فراج تي ميك لو مو كاكو بورتي منصوب C'est elle, corrige maintenant, là c'est pas bon, juste le mot de forge. Huwa musafirun ila al-Qura. Non, c'est ça. Thalithan, ila aina hiya a'idatun. Hiya a'idatun min al-Khurtoum. Là c'est ila, c'est pas min. أقول إلى أين هي؟ نعم هي عائدة إلى الخرطوم. فجاء غديا خرطوم. نعم صح. رابعا من أين أنت قادمة؟ toujours féminin pardon. أنت يا فندم تجي أنت أنت. أنا قادمة من طيب Afwan, ça va être bon. Jawel. Il faut dire, Nahman. Manon. Afwan, il y a un chat, Jawel. Il y a un verre, Nahman. خامسا من أين أنت واصل؟ هذه من قادم واصل انا واصل من الكويت نعم واصل سيب اسم فعل كذا واصل نعم واصل bon le 6 on dit qu'on faisait pas il était toujours donné il n'avait pas compris le morceau طيب ندخل في ما زلنا في الوحدة الثانية في الدرس الخامس درس هذه بارتي هي سبب الكتير اقرأ الكلمات الجديدة قدم يقدم إلى بعض مزاج تقديما شو بيجي بقى في التابلو تقديما قدم على سي présenter quelque chose c'est un peu le même sens que salama ou tout comme ça sauf que là c'est présenté Voilà. Présenter, c'est-à-dire je présente mon passeport à l'employé. Je présente mon passeport. Moi, ton passeport, tu me présentes ton passeport. Ça peut être aussi offrir un cadeau. Si tu dis quand demain hadiya, c'est offrir un cadeau. Présenter une offrande. Mais là, ce qui est mieux, c'est dire présenter le passeport voyez, à l'employé. Fahasa yafhaso. Fahsan. Tu me rappelles ce que je veux dire C'est analyser Non, examiner, analyser, contrôler. Hafila, ça c'est un car, un bus. Hafila, car, bus. Habata, yahbito, là ce qu'ils veulent eux c'est l'atterrissage de l'avion. À la base, c'est descendre quelque part. Capico l'état là. Ou habitu minha jamia. Babukum ni badin alou. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam et à Hawa de descendre de la terre, du fait qu'ils aient goûté du shajara, vous voyez, il leur dit de descendre du jannah pour aller sur terre. Habitu minha jamia. Fahabata, là, ce qu'eux ils veulent, c'est l'atterrissage. Rokiba Adi. Ah là Ouais, c'est sûrement un rôle, c'est un truc. Un mariage ou un truc. Un mariage Voilà, sûrement. Rokiba Yadokabu. C'est atterrissage. El Mazar, c'est Rukuban. Qui veut dire monter sur une chose pour se déplacer. Être embarqué, monter dans une voiture, monter dans un. Ah, Ouais, il est déjà passé. Kadima Yakudumu. Il nous rappelle ce que veut dire Kadima. Kadima, c'est arrivé. Nam. Nazala Yanzilou. C'est aussi descendre. Et je dis le Mazda, c'est Nuzulan. Nuzulan. Wadjaha Yuadjihu, c'est faire face. Et le mazdar c'est taujih. Vous voyez Faire face, ça peut être aussi donner du tchaïk. Oui, c'est. Maniakra, Lyon, c'est qui doit lire le petit texte aujourd'hui Vous voyez قادمة مع هندون من تركيا وبعد أن هبطت الطائرة ركب الحافلة المطار. تفضل ترجم. Mahmoud est arrivé de Turquie. Non. Après la descente de l'avion, il est monté dans le bus de l'aéroport. وقدم له جواز السفر وبطاقة الوصول. Et le moment. Ouais. Et là, c'est ça serait par au moment où. Lorsque. Lorsqu'il est arrivé dans la salle de Koudoum d'arrivée, et il est descendu du bus et il a rencontré l'officier des passeports. L'officier des passeports. Il lui a présenté son passeport et sa carte d'arrivée. فحصل موظف الجواز وبعد ذلك وجه محمودا إلى صالة الجمارك. إلى صالة الجمارك. طلب الموظف. عون وزي خلي صلاة دبر. الموظف l'officier a regardé son passeport. Et après cela, il a fait face à Mahmoud. Là, en fait, la face Wajah Mahmoudan, il est sale, c'est que l'officier a dirigé Mahmoud vers. Ah non. C'est ça que tu veux dire par là. Ça n'a pas l'air que Wajjihuka, il est où là, c'est je te dirige vers là-bas. Moi, je te dirige toi vers là-bas. Je t'envoie vers là-bas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Hmm? Zalika. Bab Zalika, après cela. Taïs Michel, ou Bab Zalika, après cela. وجه محمودا الى صالة الجمارك. Il a dirigé Mahmoud vers la salle des douanes. Donc la dirigé là. طلب الموظف الجمارك. لا ما في الف ولا الموظف. نعم طلب الموظف الجمارك من محمود ان يفتح الحقيبه. L'officier des douanes a demandé à Mahmoud d'ouvrir son bagage, sa valise. وجد موظف الجمارك في الحقيبة بعض الملابس والكتب. L'officier des douanes a trouvé dans la valise quelques vêtements et des livres. ثم طلب من محمود أن يقفل الحقيبة ويتجه إلى بوابة الخروج. Ensuite, il lui a demandé, à Mahmoud de refermer. C'est plutôt il désira de Mahmoud. Il désira de Mahmoud qu'il ferme, qu'il cadenasse sa valise, qu'il referme sa valise, et qu'il se dirige vers les portes de sortie. Non, pas du tout. Il a touché sur le texte. Non, c'est aussi. Ah oui, et là c'est quoi? Pourquoi il est en tel hein? Parce que c'est toi, hein, c'est hier. Hein. Le sujet, c'est un féminin singulier. C'est qui le féminin? C'est toi, hein. Habat, c'est toi, hein, tout. C'est toi, hein, le sujet. Et Habata, c'est quoi ce nom là? Habata? Oh, je connais pas le nom là. Parce que ça dit Barda Hubut et Taïra. Non, je pense que c'est Hubut, je suis pas sûr. Et il a mis à la dernière ligne Yattaji. Yattajiho ou pas Yattajiha? Non, c'est Yattajiha. Ah oui, non. La fin est correcte. Et c'est comme tu dis Zahabat Fatima. Taïb, Habatat et Taïra. Mais là, je comprends pas. Parce que là, il n'y a pas de soukoun. Et je sais même pas. La kasra, c'est parce qu'il y a. On est entre deux lettres qui vont se rencontrer qui ont une soukoun. Comme on a dit. T'as un lifolem. Donc, on met une kasra pour la liaison. Ah, oui. Mais à la base, c'est une soukoun. quoi il donne? Tout? Oui. On a quand même assis là. Qui seront à faire pour Yomesep Narabel Mafigas, Adam Jumwa. Awalen Yakoul, Adib, on est assinatil Adia, répond question suivante. Awalen, min Aina, Padima Mahmoudun. D'où est arrivé Mahmoud? Thanien, Maza, Paddama Mahmoudun et le Mouazafil Jawazad. Qu'est-ce que Mahmoud a présenté à l'employé des passeports? ثالثا الى اين وجه موظف الجوازات محمودا vers où l'officier des passeports a dirigé Mahmoud. رابعا ماذا طلب موظف الجمارك من محمود. Qu'est-ce que l'employé des douanes a désiré de Mahmoud. خامسا ماذا في حقيبه محمود. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Mahmoud. سادسا إلى أين اتجه محمود بعد أن فحص موظف الجمارك الحقيبة؟ Vers où Mahmoud se dirigeait après, vous voyez, بعد أن فحص, c'est après que l'employé des douanes ait contrôlé sa valise, ou vérifié sa valise. الجمل واضحة. نعم. لكن فحص في المرضي. أيوة. أين يبغى أخذ دعوة؟ يبغى في المرضي نعم. Et Shayem Daoud, la fin? Les phrases sont claires? Non, non. Thanien, Adjib, on est assigné à Atiya. Répond question suivante. Keifa Safarta, une baladika il est à Huna. Comment as-tu voyagé depuis ton pays jusqu'à ici? Donc le dit Keifa. Thanien, Mada Hamalta fi Hakibatik. Qu'as-tu pris dans ta valise? À la base, Hamala c'est transporté, porté. Vous voyez, là c'est un nouveau verbe. Hamala yahmilu. Par exemple, ahmil el hakiba, je porte ta valise. Tu ne vas pas dire qu'est-ce que tu as porté dans ta valise, tu vas dire qu'est-ce que tu as pris en fait dans ta valise. Mais on peut mettre, on aurait pu mettre Wadara, non? Ah oui, tu aurais pu mettre ça aussi, non? Là, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as transporté avec toi, quoi, en fait, dans ta valise. Qu'est-ce que tu as pris avec toi dans ta valise. ثالثا من قابلك في المطار. Qui t'a rencontré à l'aéroport. رابعا ماذا يعمل موظف الجوازات. Qu'est-ce que fait l'employé des passeports. خامسا ماذا يعمل موظف الجمارك. Qu'est-ce que fait l'employé des douanes. Pour ceux qui l'ont vu. ماذا يعمل موظف موظف الجوازات؟ يبرون العجوة. يبرون البوتزا. ويمن. تمام. مفهوم هذا؟ كيف نسمي البوليس تمارير de ici de qui s'occupe de faire rentrer ou faire sortir les étrangers؟ أم سياسي؟ أم سياسي؟ non à la base c'est eux qui s'occupent de ça. Mais eux, s'ils viennent te chercher, on ne peut rien leur dire. Mais là-bas, ce n'est pas leur travail. Mmh. Voilà. Les shorty, quand on parle de police. Shorty, c'est la police. Mmh. Shortor, c'est la police. Un shorty, c'est un policier. Non, shortor. Ça y est. La classe de l'Ulof, c'est un café de Hala. Et Soel? Shortor, comment tu l'écris? Shortor, tout. D'accord, il dit Souel, voilà qui le nafi à la Dars. Les à la Dars. La Dars est une barre. Allez, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.